Comme sur un tapis volant, nous étions portés. Comme dans un Boeing 747. La question, quelle question? You talk to me? Ah. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Diffuse. arrivé au hasard. Dans l'herbe, debout devant les étoiles, les deux pieds dans l'herbe, debout devant les étoiles, on l'a tous fait. Place. Petit dans l'univers, petit tout petit, immense, génial. C'est comme on le fait maintenant, la porte du présent. You want the way. micro. But I checked myself and I was like, hey, I don't look that bad. Give me love, give me love, give me love, give me love. love, give me love, give me love, give me love. Give me love, give me love, give me love, give me love. Oh, much I'm crazy. Are you able? Give me love, give me love. Give me a night. Prends une vie d'avion. traverse les continents. Just give me a night. Allez, allez, allez, allez, allez, Yann. Give him a night. Give him a night. Give him a night. Dans le temps, via planète Marseille, je danse le Mia. Hey DJ, Mimou du Funk. Je danse le Mia. Ouais. Je danse le Mia. Yeah. Je danse ouais. Le Mia. Le samedi d'après, on revenait tellement qu'on s'emmerdait. J'entends encore le rire des filles qui assistaient au ballet des roulettes douces sur le parking. À l'intérieur, pour elles, c'était moins rose. Oh cousine, tu danses ou je t'explose. Voilà comment tout s'aggravait en un quart d'heure. Le frère rappliqué, oh comment tu parles à ma sœur. Viens avec moi, on va se filer. Tête à tête, je vais te fumer derrière l'esprit. Et tout s'arranger ou se régler à la danse. Lundi, c'est fils, tu as aucune chance. Elle est fille, mes chaussures brillent. Oh, un tour, je brille. Je te bousille, tu te rhabilles, moi je danse. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Pas de pas côté. Thank you. danse le mia. Que je danse le mia. Par les bagues qui roulent. Danse le mia. Chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Start, danse le mia. Merci à tous. Bonheur musical. Je danse le mia. Avec une grande. Au début des années 80, je me souviens de soirées où l'ambiance était chaude. Les mecs rentraient sa zone au bureau gare froid. Ils scrutaient la salle des trois coins. Sur la tête, surveillement taquini. Pour les plus casses, les mocassins et bouillonni. Dès qu'il passait caméo, Midnight Star. SOS en délégation du Bouchard. Tout le monde se levait, les cercles se formaient. Des concours de danse un peu partout s'improvisaient. Je te propose un voyage dans le temps via planète Marcel. Je danse le mia. Je danse le mia. Danse le mia. J'ai dansé le mia. À cause de leurs parents. Hey DJ, mets-nous le funk. Heureusement, il y en avait certains qui écoutaient George Benson. Savaient. C'était pas Claude François. De temps en temps, ça partait en couille. Je savais pas pourquoi, mais peut-être le décalage horaire. Ah, 2024. Ninja séché. Yeah. Beaucoup cette année-là. Ouais, une année bizarre. Cette année-là. Comme chaque année, finalement, on croit que ça va recommencer, mais c'est jamais cette pareil. Année-là. Pareil. Jamais pareil. Putain, c'est le bordel. Non, faut pas se fier à cette année-là. Cette année-là. Cette année-là. Cette année-là. Cette année-là. Oh. rendez fou avec vos gimmicks à la con. C'est un dingue. C'est un dingue. Ah. J'adore. C'est un dingue. Truc de fou, truc de dingue. Truc de psycho. Choose a road, choose a foe. This is an anomaly to our hero. 2024, c'était une année de merde. D'un coup, dissolution de l'Assemblée générale. Et regarde, c'est toi. Cette année-là, 2024, ouais. Tu vas te sentir unique. Jeux olympiques, dissolution de l'Assemblée nationale. Cette année-là, tu vas avoir l'impression.